Au cerf. Rap éclectique. Auxerre, c'est une ville où il y a toujours un peu de bruit. Du marché de Noël à la fête de la musique. Tu te balades dans la rue de Paris en passant par une petite rue que tu as retrouvé ton gamin. Tu entends les enfants jouer à la récré et cela te rappelle ton souvenir du passé. Du passé. Auxerre. Auxerre, c'est l'odeur du pain chaud, du boulanger du coin au petit matin. Tu aimes cette odeur que tu ne t'empêches pas pour aller chercher ce bonheur. On voit des touristes qui cherchent leur chemin pour aller à Eurodif ou connaître les autres coins. Ils arpentent les rues avec leur appareil photo pour shooter un monument historique, ces boutiques un peu rustiques, pour garder un souvenir de cette ville, Auxerre. Auxerre. Avec son parc qui a une beauté pour bien se reposer l'été, puis pour avoir plus de légèreté, vous pouvez aller vous restaurer sur les quais. Arrêtez-vous un petit heure pour aller goûter les différentes saveurs du Bounty, un restaurant bien sympathique sous le son de Félix. Auxerre. Auxerre. Voilà, le silence est là. Les boutiques ferment les portes, les rideaux métalliques grincent pour dire que c'est la fin de ce chapitre. Pressé d'être à demain pour découvrir les autres coins de cette ville qui m'est bien sympathique. Auxerre. Auxerre. Sympathique. Auxerre. Magique.